Anna. Les cloches ont arrêté de sonner les heures. Elle passe par l'arrière-cuisine, la faim se déroulant dans son ventre comme un serpent, puis va inspecter le ciel depuis le seuil de la porte ouverte. Imerius prétendait que, tant que la lune s'arrondissait, la fin du monde ne pouvait pas advenir. Mais la lune est à présent sur son déclin. D'abord, marmonne Théodora face à la cheminée, la guerre fait rage parmi les peuples de la Terre. Ensuite se manifeste le faux prophète. Bientôt les planètes tomberont du ciel, suivies par le soleil, et nous serons tous réduits en cendres. Les jambes de Maria se sont décolorées, et il faut la porter lorsqu'elle a besoin de se rendre au cabinet. Elles sont arrivées au dernier chapitre du codex, et certains feuillets sont tellement endommagés qu'Anna ne peut y déchiffrer qu'une ligne sur trois. Mais pour le bien de sa sœur, elle ne renonce pas à avancer dans le voyage d'Aeton. Le corbeau brasse le vide de ses ailes, précipité vers le zodiaque. Depuis ces hauteurs icariennes, les ailes poudrées de poussière d'étoiles, je voyais, très loin au-dessous de moi, la Terre sous son jour véritable. Un petit monticule de boue perdu dans l'immensité, ses royaumes pas plus grands que des toiles d'araignées, ses armées pareilles à des miettes de pain. Fourbus, brisés et brûlés par la tempête, dépouillés par le vent de la moitié de mes plumes, j'allais à la dérive parmi les constellations, n'espérant plus rien, lorsque j'aperçus une lueur dans le lointain, les silhouettes de tours dorées, des nuages moelleux. Le texte s'interrompt, ses phrases noyées dans une auréole d'humidité, mais Anna le tire du néant pour sa sœur. Une cité aux tours de bronze et d'argent, des fenêtres illuminées, des bannières qui flottent sur les toits, un tumulte d'oiseaux de tout gabarit et de tout plumage. Dans un mouvement tourbillonnant, le corbeau éreinté descend des étoiles. Les coups sourds de la canonnade résonnent au loin. La flamme de la chandelle vacille. « Il ne cesse jamais d'y croire, » chuchote Maria, « même quand il est épuisé. » Anna souffle la bougie et referme le livret. Elle pense à Ulysse, échoué sur le rivage de l'île des Phéaciens. Il sentait l'odeur du jasmin sous les étoiles, la violette, le laurier et la rose, et aussi le raisin et la poire, la pomme poussant sur la pomme, la figue sur la figue. Moi aussi, je les sens. Près de l'icône de Sainte Coralia repose la boîte à opium qu'elle a trouvée dans l'atelier déserté des Italiens, avec son couvercle décoré d'un palais à tourelles. À Urbino, disaient les scribes, des gens fabriquent des lentilles qui permettent de voir un objet à 45 km de distance. D'autres dessinent des lions si ressemblants qu'on croirait qu'ils vont bondir hors de la feuille pour nous dévorer. Notre maître rêve de créer une bibliothèque qui surpasserait celle du pape, disait-il, et contiendrait tous les textes jamais écrits. Une bibliothèque qui durerait jusqu'à la fin des temps. Maria s'éteint le 27e jour de mai, entourée des femmes de la maisonnée qui la veillent en priant. Posant la main sur son front, Anna sent la chaleur la quitter. « Lorsque tu la reverras, lui dit la veuve Théodora, elle sera revêtue de lumière. » Chrysée soulève son corps sans peine, comme s'il s'agissait d'une pièce de lin raidie par le soleil, et traverse la cour pour l'emmener au couvent. Anna replie le capuchon de sa mite. Cinq oiseaux sont achevés, entrelacés à des branches de vigne épanouies. Il se peut que, dans un autre monde, une vaste assemblée radieuse soit en train de pleurer. Leur père et leur mère, leur tante et leurs cousins, une petite chapelle garnie de roses printanières, la musique d'un millier d'orgues et l'âme de Maria flottant parmi les chérubins, les paons et les grappes de raisin. Une scène qui évoque l'une de ses broderies. Dans le catholicon de Sainte Théophania, les religieuses veillent sans relâche pour diriger leurs prières vers le trône de Dieu. L'une d'elles montre à Chrysée l'endroit où elle doit déposer le corps, une autre recouvre Maria d'un linceul, et Anna s'assied sur les dalles auprès de sa sœur pendant qu'on envoie chercher un prêtre.